Comment on se venge ? Par Richard Lesclide. Mon ami Lambrequin me dit il y a 3 jours « Tu devrais me payer à dîner. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose à te dire. Vraiment ? Quelque chose de très intéressant. Qui me fera plaisir ? Non. Alors ne me le dis pas. Tu as tort. Fit-il d'un ton sentencieux. Il y a des choses qu'il faut savoir. Cela n'a jamais été bien prouvé. Puisque ton histoire doit m'ennuyer, garde-la pour toi. Allons, je te la dirai pour rien. Non, répondis-je, je t'en dispense. Je suis trop ton ami pour te cacher une abomination pareille. Là-dessus, je le quittai avec un peu de raideur. Le lendemain, nous nous voyons tous les jours, Lambrequin me dit « Veux-tu venir dîner au restaurant ? C'est moi qui paye. » « À quel restaurant ? » « Pas à prix fixe. » À la bonne heure. Je te coulerai la chose dans l'oreille en douceur, au dessert, tu sais, la chose d'hier. Cela me refroidit un peu. J'avais promis, dis-je, d'aller passer la soirée chez ma tante Pamela. Tu auras le temps d'y aller ensuite. Il ne s'agit que d'un petit dîner d'amis, bisque, turbo, sauce verte, perdreau truffé, avec un aimable vin poussant à la philosophie. Allons, dis-je avec résignation, je suis ton homme. Le dîner fut bon. Lambrequin mit les petits plats dans les grands. Je vis arriver le dessert avec émotion. Je me doutais vaguement de ce qu'il allait me dire. En effet, il me serra les mains avec attendrissement et, se penchant sur mon épaule, murmura « Mon ami, tu l'es. » Vous me croirez, si vous voulez, cela me fut désagréable. Mon ami Lambrequin n'aurait pas donné pour 100 écus le plaisir de me faire cette révélation. Il me regardait avec une caressante pitié, comme s'il eût considéré au-dessus de mon front la coiffure dont une absurde tradition couronne les maris malheureux. Il m'était déjà parvenu quelques rumeurs sur cet accident de ménage. Je n'y avais prêté que fort peu d'attention. Je vous dirais que par nature, je déteste les cancans. Madame Longjumeau, quoique le ciel m'ait refusé le bonheur d'être père, ne m'avait jamais donné que des satisfactions. Quelques 6 mois auparavant, elle m'avait présenté son cousin Gustave Taponnier, photographe, récemment établi à Paris. Gustave avait fait je ne sais combien de fois le portrait de ma femme. Quand Emmeline me disait « Je vais faire faire mon portrait », je répondais « Encore ?» Il n'en était pas autre chose. Cependant, d'après Lambrequin, mon affaire était dans le sac. Je ne sais pourquoi ce diable d'homme se mêlait de tout cela. Il me détailla avec complaisance les moindres circonstances de mon malheur. La conduite du cousin Gustave était d'autant plus indigne qu'il était marié depuis quelques années à une jeune femme, qu'il n'avait pas jugé à propos d'ailleurs de nous faire voir. Et, ajouta Lambrequin, après m'avoir fait toucher la chose du doigt, en ce moment même, pendant que nous causons les pieds sous la table, Gustave photographie encore ton Emmeline. « À 11 heures du soir ? » m'écriai-je. « Le soleil est couché. Et la lumière électrique ?» répondit Lambrequin triomphant. J'avais caché ma tête dans mes mains. Je méditais. Je ne suis pas rageur. Pourtant, je sentais s'éveiller, à la voix de Lambrequin, ma dignité et ma colère trop longtemps contenues. Il me versa coup sur coup 3 verres de fine champagne. Une sueur froide perlait sur mon front. J'étais un peu gris. « Que vas-tu faire ? » me dit Lambrequin, dont l'œil respirait le carnage. Je me levai résolument. « Acheter du vitriol, » répondis-je. Lambrequin recula. « Pourquoi pas ? » fis-je avec un ricanement. « C'est la dernière mode. »« Tu as peut-être raison. Je t'accompagne. » Lambrequin paya la note et nous sortîmes. Je crois avoir dit que j'étais un peu allumé. Le grand air me fit du bien. Mon Méphistophélès de Lambrequin, sans me laisser le temps de respirer, me poussa chez un pharmacien et m'attendit à la porte pour ne pas se compromettre. Je fis quelques pas dans la boutique, chancelant. Une odeur de drogue, fade, émolliente, me prit au nez. La femme du pharmacien, une grosse maman, me regarda d'un œil bienveillant. Le patron me dit d'un air paterne « Que faut-il servir à monsieur ?»« Une demi-bouteille d'élixir de garus, » bégayai-je. « On vous a bien adressé, » dit le bonhomme, « c'est une de mes spécialités. » Un liquide jaune, épais, onctueux, coula dans la fiole qui m'était destinée. L'ambroquin m'épiait à travers le vitrage. Un bocal vert projetait sur lui un reflet sinistre. L'atmosphère paisible de cette officine m'avait retourné comme un gant. Je sortis. L'ambroquin me prit le bras et reprit ses discours féroces. Il commençait à m'ennuyer. Je gesticulais avec ma fiole qui, deux ou trois fois, lui effleura le visage. Il eut peur, me lâcha, et comme je faisais mine de le poursuivre, il partit en courant, m'abandonnant à ma colère. Je pris un fiacre à qui je donnai l'adresse du cousin taponnier. Arrivé à la porte de ce photographe, je montai. Le monstre était absent. J'insistai pour parler à sa femme. La bonne me dit que madame était couchée. Cela m'était pardieu bien égal. Je lui racontai que son maître avait été arrêté dans un tripot et qu'il fallait aller le réclamer. Elle courut prévenir sa maîtresse. Je la suivis jusque dans la chambre à coucher. « Madame, dis-je à l'abandonnée, je suis le cousin Longjumeau. »« Ah, mon Dieu !» répondit-elle. « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à mon mari ?» Sur un regard significatif que je lui lançai, madame Taponnier congédia sa bonne. C'était une fort agréable commère. D'aimables rondeurs enflaient son costume de nuit. Dans son émotion, elle oubliait de cacher une épaule blanche qui surgissait comme la lune à l'horizon. Je lui dis tout. La pauvre femme m'écoutait, haletante. Comme aînée parlant à Didon, je lui dis nos malheurs communs, nos infortunes jumelles. Je dépeignis Taponnier comme un serpent tentant mon Ève, serpent d'autant plus corrompu qu'il avait chez lui des pommes à n'en pas désirer d'autres. Madame Taponnier rajusta son peignoir qui s'était ouvert dans un moment de révolte. « Trahir une femme adorable ?» m'écriai-je, « pour une créature qui ne la vaut pas ?»« J'en suis fâché pour Emmeline, mais j'ai le courage de mon opinion. Cela mérite un châtiment exemplaire. Vous allez me permettre d'attendre votre mari. J'ai tout ce qu'il faut sur moi. » Je pris un verre sur la cheminée et j'y versai mon élixir de garus. « Qu'est-ce ? » dit la pauvre femme en se mettant sur son séant. « Une liqueur qui ne pardonne pas. » Qu'il entre est blanc. Du vitriol ? Vous voulez défigurer Gustave ? Jamais ! C'est une canaille, mais... Quoi, madame, nous serions cocus avec tranquillité ? Vous peut-être, mais moi. Ignorez-vous que les femmes le sont aussi. Vous défendez ce misérable qui trouve ma femme plus jolie que vous, aveugle, insensé. Est-ce que ma femme a ses cheveux, ses bras, ses épaules ? Vous m'embrassez ? Dit-elle. Ah, je vous engage à faire la prude. « Savez-vous comment ce brigand traite Emmeline ? Il ne craint pas de l'asseoir sur ses genoux, j'en jurerais. »« Le monstre ! Et votre femme le laisse faire ? Eh, que voulez-vous que fasse une femme qu'on enlace de cette façon ?» Quand j'eus démontré à Madame Taponnier l'énormité du crime de son époux, nous fûmes pris tous deux d'un accès d'indulgence. « Qu'allez-vous faire de votre vitriol ? » demanda-t-elle. « Je ne sais, laissez-moi le goûter un peu. »« Ah !» fit-elle avec horreur, pendant que j'y mouillais mes lèvres. Elle se rassura bien vite, elle voulut en boire aussi. « C'est bon tout de même, » dit-elle. Au même instant, on frappa à la porte. C'était l'ignoble taponnier. Il pâlit en me voyant. J'avais encore le verre à la main. « Monsieur, lui dis-je, je sais tout. » J'étais venu dans l'intention de vous jeter ce vitriol à la figure. Madame et moi, nous avons préféré le boire. Nous vous abandonnons à vos remords. La morale de cette histoire, car elle en a une, c'est que les parties extrêmes sont à redouter, et qu'avec les femmes intelligentes, il y a toujours moyen de s'entendre. Ainsi s'achève « Comment on se venge ?» par Richard Lesclide.